puis là, je voyais Normand, notre chimiste, qui hochait la tête quand tu parlais d'antioxydants, de radicaux libres. On rentre un petit peu dans son domaine. Oui. Et ah, on oui. va, oui, hein, et on va s'intéresser maintenant à la chimie de la digestion des légumineuses. Ben, en fait, moi, on parle depuis tantôt de bonnes choses, là. On n'arrête pas de vanter des légumineuses pour ci, pour ça, dans l'histoire, l'économie, la nutrition. Ben, moi, j'ai une question pour vous. Est-il avisé de manger une méga portion de chili avant d'aller à un rendez-vous galant ou une entrevue pour la job de vos rêves ou pour une émission de radio, par exemple? Alors, la réponse à ça, c'est non. Non. C'est mieux pas parce que, bien qu'on en dise toutes sortes de choses, c'est scientifiquement prouvé, les légumineuses provoquent des flatulences. Ah! Et oui, c'est scientifiquement prouvé. En fait, c'est vrai que les légumineuses sont remplies de toutes sortes de choses extraordinaires. Là, on vient d'en parler des protéines, des minéraux. On n'a pas parlé de ça, beaucoup de vitamines. On a parlé des antioxydants. Mais elles contiennent surtout des fibres alimentaires. Et pour un chimiste, qu'est-ce que c'est des fibres alimentaires? C'est très simple. C'est des espèces de grands chapelets de toutes sortes. De toutes sortes de petits maillons qui sont, on appelle des glucides. Et ces glucides-là, ben, comparativement aux fibres alimentaires des autres légumes. Chez les légumineuses, ils ont une particularité. Certains de ces fibres-là vont contenir un glucide particulier qu'on appelle le galactose. Mm-hmm. Un fibre très particulier. En particulier, les légumineuses sont riches en deux types d'oligosaccharides, le raffose et, je ne vais pas me tromper là avec mes yeux, je vais regarder dans mes notes pour être sûr, le raffinose, pardon, et le stachyose. Oui, je sais, ça fait des drôles de noms, mais le raffinose, c'est un trisaccharide qui contient du galactose et le stachyose, c'est un tétrasaccharide qui contient 4 glucides, mais évidemment le galactose. Et c'est précisément le galactose qui cause tous ces problèmes-là. De flatulence. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, en fait, lorsque on mange des légumineuses, notre système digestif primaire, ce qu'on appelle notre estomac, là, va commencer à dégrader toutes les particules de nourriture. Et là, ça va en faire. On va utiliser des enzymes. On va utiliser des enzymes et toutes sortes de choses qui vont dégrader, par exemple, les protéines en acides aminés, les gras en glucides et en lipides, en glycérol particulièrement. Et tout ça va nous faire des nutriments qui vont rentrer dans notre corps et nous servir d'essence pour pouvoir carburer, etc. Mais voilà, le corps humain n'est pas équipé pour dégrader les galactoses. Okay. Il manque une enzyme très particulière qu'on appelle la galactosidase. Et cette enzyme-là, on ne la retrouve pas dans le corps humain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand on va manger des légumineuses, le raffinose et le stachyose vont donc passer directement, ne seront pas dégradés. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont arriver dans le gros intestin où là, 100 trillions, que dis-je, de micro-organismes, des bactéries, des levures, des champignons, les attendent de pied ferme. C'est ce qu'on appelle notre microbiote. Et chaque individu a un microbiote qui est totalement différent. Et le microbiote, ces 700 trillions de bactéries, micro-organismes, elles en ont des galactosidases. Elles vont s'occuper de ça et elles vont les dégrader, ces raffinoses-là et ces stachyoses-là. Est-ce qu'on pourrait dire que le processus est le même que celui du lactose pour les gens qui n'ont pas l'enzyme pour le dégrader? Exactement. Absolument la même chose. C'est pas la même chose pour certains édulcorants qu'on n'a pas. Le mannitol, par exemple, qui est utilisé, il va se retrouver dans le gros intestin. Ces micro-organismes-là vont le dégrader. Et ça, quand ils dégradent ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va avoir comme conséquence de former des molécules de gaz. De l'azote, particulièrement, du CO2, dioxyde de carbone, mais aussi de l'hydrogène et du méthane. Alors, dépendamment de votre composition en micro-organismes, de vos 100 trillions de micro-organismes, vous allez avoir une proportion de méthane, d'hydrogène, de CO2 et d'azote qui va varier d'un individu à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on dit, étant donné que l'hydrogène et le méthane sont des combustibles qu'ils brûlent, qu'effectivement, ces gaz-là, ils brûlent au sens littéral et au sens réel. Et on peut enflammer ses pets. Tout à fait, voilà. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors, ce n'est pas c'est à prescrire, là. Ne faites pas ça, ça pourrait être dangereux. Et ça va dépendre, puisqu'il y a certaines flatulences qui vont brûler et d'autres pas. Ça dépend de la composition chimique de ces flatulences-là. Mais les gaz les plus fréquemment rencontrés sont le méthane et l'hydrogène. Non, c'est l'azote, et le dioxyde de carbone qui constituent en majorité les flatulences, comme ça. L'azote qui provient de l'air qu'on... Tout à fait, mais aussi de la dégradation microbiologique qui va être formée aussi à ce niveau-là. Mais là, vous allez me dire, ben dans ce cas-là, ces gaz-là sont presque inodores. Mais qu'est-ce qui cause justement les odeurs qu'on retrouve souvent associées? Et voilà, ça c'est une excellente question, parce que si ces gaz-là sont inodores, d'où vient l'odeur? Ben en fait, c'est que ces micro-organismes-là ne se nourrissent pas exclusivement de raffinose et de stachyose. Ils vont digérer aussi ce que vous avez ingurgité. Et dans ces molécules-là, ils vont se retrouver des composés sulfurés, comme des acides aminés, mais aussi, si vous avez mangé des oignons et de l'ail, vous allez vous retrouver avec beaucoup de composés soufrés, et ça va être transformé dans des composés très odorants, par exemple le H2S qui sent les œufs pourris, vous avez le méthanthiol, l'éthanthiol qui l'odeur de moufette, et vous allez avoir des composés azotés, dont quelques-uns, j'avais pensé vous les mentionner, deux composés qui proviennent de la dégradation enzymatique d'acides aminés qu'on appelle la putrécine et la cadavérine. Donc, je laisse les auditeurs deviner l'odeur de ça. Et, dépendamment de votre composition que vous avez, chaque individu est différent. Donc, on peut être deux personnes à avoir mangé le même chili, mais avoir des flatulences qui vont avoir une odeur particulière. C'est incroyable, quand même. Et c'est dû à quoi, ça? Ben, c'est dû au fait que notre microbiote varie d'une personne à l'autre. Ce que nous avons ingéré, donc la matière première des bactéries pour faire des composés odorants, va aussi varier d'une personne à l'autre. Donc, tout est une question de chimie. Et est-ce qu'il existe des trucs, des médicaments ou simplement d'autres aliments qu'on pourrait manger en accompagnement pour contrer les flatulences? Ben, en fait, c'est intéressant, ça, c'est parce qu'il y a des gens, il y a une compagnie qui développe, et en fait, qui vend de ce qu'on appelle des composés. En fait, ils vendent un micro-organisme, un champignon qui est en fait un fongi, qui est en fait un probiotique, qui est aspergillaire, qu'on peut utiliser, qui contient la galactosidase. Donc, vous prenez ça avant, et donc, dans votre estomac, vous allez avoir suffisamment de galactosidase pour digérer le raffinose et le stachyose, qui va limiter la quantité qui va passer, et donc diminuer les flatulences qui vont être produites dans votre gros intestin. Et j'aurais une question par rapport à ça, parce qu'on entend certaines façons de cuire les légumineuses, en fait, qui aideraient à éliminer les flatulences, mais de ce que je comprends actuellement, ça serait des mythes. Donc, il y aurait d'utiliser des algues dans l'eau de cuisson des légumineuses, dont le kombu. Non, les algues ne contiennent pas de galactosidase, ça prend des micro-organismes. Mais il y a des trucs, par exemple. Mais il parle aussi de quand on change l'eau de trempage pour l'eau de cuisson. Ça, c'est une des principales. Faire tremper vos légumineuses avant est le meilleur truc pour diminuer. Surtout au moins 12 heures, puisque, Jean-François l'a bien mentionné, lorsqu'on fait tremper, ben non seulement ça va attendrir, mais ce que ça va faire, c'est qu'il y a déjà des micro-organismes, des champignons, des levures qui sont dans l'eau de trempage, qui vont déjà pré-dégrader le raffinose et le stachyose, ce qui va faire que ben, vous allez en avoir une moins grande quantité. Donc, c'est le meilleur truc. Nos grands-mères faisaient ça, d'ailleurs. Hein, c'est intéressant. N'oubliez pas de rincer l'eau de trempage. Parce qu'il ne faut pas réutiliser ça, puisque vous allez avoir des micro-organismes qui vont être là-dedans, et vous allez maintenant avoir plus de problèmes. L'autre truc, c'est d'acheter des fèves qui sont déjà, des légumineux qui sont déjà en boîte. En bois, puisqu'ils ont déjà été traités et la macération a fait que il y a une certaine dégradation du raffinose et de la stachyose. Ils sont pas aussi bons, c'est pas aussi riche en minéraux, etc., mais c'est un bon truc à ce niveau-là. Alors, merci infiniment Normand Voyer pour ces explications sur ces gaz de shit. De schiste?